Eh, ça y est, c'est reparti. Wesh. Poco, poco. T'entends pas ou quoi, hein? Lascar, renégat. Eh, c'est trop long, Nubi, Jackie. Futuristique, bon. Rien à foutre d'être commercial ou underground. J'ai mon dicton. Bifton et respect. Et surtout, reste vrai quand le fric tombe. Je lève mon poing comme un Black Panthers. De toute façon, quand ils me voient, ils savent pas si je suis black, blanc, beurre. Putain, je deviens poétique. C'est quoi le showbiz? T'aspect coq et fric. Mon but, c'est d'exploser le beat. Je fais de la zig de contrebande. On me demande pourquoi quand je rappe, je gueule. C'est parce que j'ai la rage, j'ai pas de gun. J'ai toujours le même caractère. Toujours encore, mais terre à terre. Je veux pas changer pour te plaire, va te faire. Toujours en donne insulte dans la bouche. Je veux être possédé par Satan. Toujours gêné quand je fais écouter mon rap à maman. Tu kiffes ton rap bise, les temps baissent. Alors je veux niquer l'industrie et c'est sur bande que j'instruis. J'ai l'impression qu'il saigne quand on se libère des pressions qui pèsent et des radios qui prohibent les sons qui plaisent à la rue. Personne ne m'empêchera de militer pour mes idées. J'suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. J'ai la rage et pour faire la guerre, j'suis décidé. J'ai les armes, les hommes derrière mes gars, mes scores. Personne ne m'empêchera de militer pour mes idées. J'suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. Revoici Jacques et l'animal. Or la loi est marginale. Nique sa mère les interdits avec mes crayons full scandale. Chaque jour c'est la guerre et moi je suis paré pour la faire. Je suis deux fois disque d'or et ça pas apaisé mes nerfs. Je mets des patates dans leur vitrine et des coups de trompe dans leur barrière. Je crois que j'ai pété les plombs et pour me calmer y'a rien à faire. Impossible de vivre en paix quand pour eux dissecter une cible. L'état est mon ennemi donc à moi de paraître invisible. J'ai la tête sur les épaules même si pour eux j'ai le mauvais rôle. Jacques il a voix des ghettos, chat pour tous les jeunes en tôle. Je suis pas Esteban et dans ma cité y'a pas d'or. Mais grandir en banlieue m'a rendu des fois plus. J'suis un jeune insoumis, j'ai pas fait le service militaire. J'voulais pas marcher droit, donc la même mise à l'envers. J'veux vivre en homme libre et planer dans les airs. J't'interdis de m'interdire de faire ce que j'ai envie de faire. Say, say. Personne ne m'empêchera de militer pour mes idées. J'suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. J'ai la rage et pour faire la guerre, j'suis décidé. J'suis les hommes, les hommes derrière mes gars, mes squats. Personne ne m'empêchera de militer pour mes idées. J'suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. De briller ou de crier ma haine, m'interdire de prier ou de franchir les barrières. Je suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. Militant, rebelle, intelligent face au port. MC de rue, j'honore mes racailles du sud au nord. Dégage un message, mes travails, l'instru au corps. On dit la vérité, quitte à hériter du mauvais rôle. Je pourrais te parler de fêtes, de fesses, de choses et d'autres. Ça serait facile, mais j'ai choisi mon camp. J'étais qu'un galérien y'a pas si longtemps. Je serais toujours ce scélérat qui chante ses paroles mêlées de rage. La réalité fait mal et dérange les gens en général. Je vois que le mouvement authentique chavire et les rats quittent le navire. Pendant ce temps, les enfants flippent de l'avenir. On chante à l'unisson pour accomplir une mission. Renégat contre l'État et sa prohibition. Personne ne m'empêchera de militer pour mes idées. J'suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. J'ai la rage pour faire la guerre, j'suis décidé. J'ai les armes, les hommes derrière mes gars, mes squats. Personne ne m'empêchera de militer pour mes idées. J'suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. Derrière mes gars, mes scores. Personne ne m'empêchera de militer pour mes idées. J'suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. J'ai la rage pour faire la guerre, j'suis décidé. J'ai les armes, les hommes derrière mes gars, mes scores. Personne ne m'empêchera de militer pour mes idées. J'suis trop noir, trop fort, trop hard, trop corps. J'ai la rage pour faire la guerre, j'suis décidé. J'ai les armes, les hommes derrière mes gars, mes scores.